J'ai remarqué que beaucoup de personnes pieuses font des distinctions dans la distribution de leurs aumônes, en rejetant impitoyablement les malheureux que la plaie du péché a touchés. Non seulement on s'écarte de leur demeure, mais ces doubles déshérités de la nature et de la grâce sont rayés des listes charitables et ils ne trouvent aucun accès auprès des bienfaiteurs ordinaires des pauvres. Ma mère, je ne saurais dire combien j'estime fâcheuse cette intransigeance qui contraste si évidemment avec la doctrine et la conduite du divin maître. Car le Saint-Évangile nous dit que tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, Luc 15, 1. S'ils s'approchaient de lui, c'est qu'il les accueillait avec effusion, s'ils désiraient l'entendre, c'est qu'il ne les humiliait pas dans ses discours. L'Évangile nous fait encore remarquer que c'est Jésus qui adresse le premier la parole à la Samaritaine, il s'est baissé jusqu'à lui demander un service, et pourquoi cela sinon pour faire naître l'occasion de l'instruire et par suite de la convertir. Quant à nous, ce n'est point cela que nous faisons. Non seulement nous méprisons de telles femmes, mais loin d'aller jusqu'à leur parler et leur demander un service, nous ne daignons même pas leur répondre quand elles nous en demandent. Allons donc, ce serait se souiller que de les toucher même du bout du doigt. Ô ma mère, agir ainsi n'est-ce pas imiter les orgueilleux pharisiens qui nettoyaient scrupuleusement les dehors de la coupe et du plat et qui n'étaient eux-mêmes que des sépulcres blanchis aux dieux réceptacles de corruption? Qui d'entre nous est sans péché? Je compare toutes les âmes à une demeure, palais ou masure, peu importe. Dans cette demeure, quelle qu'elle soit, il existe des lieux abjects et cachés. S'il y a un jardin autour de cette demeure, que ce soit un parc ou un simple parterre, il y a un endroit secret où l'on dépose les détritus de toutes sortes. Telle est la condition de la vie humaine. Ainsi notre âme, splendide édifice bâti par la main même de Dieu, destiné à devenir son sanctuaire, notre âme a hérité de la faute originelle, elle porte une tare indélébile. Elle est agitée par les trois concupiscences décrites par l'apôtre et qu'elle connaît bien sans qu'on le lui enseigne. Hélas, ce sont les lieux secrets qu'elle dérobe avec soin au regard de ceux qui l'approchent. Ainsi se tient-elle comme une reine dans ses salons somptueux, c'est là qu'elle reçoit les visiteurs. Et elle a raison, notre belle âme, de se respecter ainsi, qui donc l'en blâmerait? Et cependant, c'est une vérité qu'il est facile de constater chaque jour. D'autres belles âmes, délaissant ces appartements splendides, s'en vont sans fausse honte établir leur quartier général dans les lieux abjects de leur demeure. C'est alors que tous les fuient et l'on pourrait ajouter, avec raison. Non, ce n'est pas avec raison, car c'est un grand tort, puisque c'est au moment où ces pauvres âmes auraient besoin de nous que nous les abandonnons. Il leur faudrait de bons conseils, une main secourable pour les retirer de cette ornière, mais nous ne leur tendons pas cette main et cette voix, ce n'est pas la nôtre qu'elles entendront. Et quoi, mais ce serait se prostituer soi-même. À ma mère, se prostituer soi-même, et l'on n'a pas peur de se prostituer en saluant les orgueilleux, en donnant la main à ces potentats qui en imposent par la place opulente qu'ils occupent. Oui, nous leur donnons la main à ceux-là qui nous dévoient, qui pillent l'héritage du Seigneur, qui déchirent la robe de notre mère, la Sainte Église, ou le vêtement de cette autre mère, la patrie, et nous n'appelons pas ceux-là nous prostituer. L'apôtre Saint Jean, qui avait reposé sur le cœur du Maître et qui avait puisé là la science de la vérité et de la charité, ne jugeait pas comme nous. L'histoire raconte qu'un jour, se trouvant dans un bain public avec l'hérésiarque Sérinthe, il en sortit aussitôt qu'il s'aperçut de sa présence, fuyant comme la peste le sol que foulait cet orgueilleux et l'air qu'il respirait, tandis que, accablé d'années, il poursuivit jusque dans les montagnes un jeune voluptueux et l'atteignant enfin ramena au bercail cette brebis égarée. Oui, voilà l'exemple que nous donne le doux Jean, il fuyait celui que nous saluons. Il poursuivait celui que nous poussons du pied comme un tas d'ordures. Ou pourquoi donc ne pas remonter le courant du fleuve et venir nous instruire à la source même de la doctrine au divin cœur du très doux maître? J'ai lu quelque part qu'un pape avait établi dans Rome un tour où l'on venait le soir déposer les petits enfants abandonnés. Ce tour était construit de telle sorte que personne ne pouvait se rendre compte d'où venait cet enfant. Plusieurs s'indignèrent devant une telle mesure, ou alla jusqu'à dire que le pontife favorisait le vice. Mais il ne s'émut point des blâmes et continuant son extraordinaire charité il sauva la vie du corps et celle de l'âme à des centaines de petits êtres. De nos jours beaucoup tiennent le même langage que du temps de ce bon pape. C'est favoriser le vice que de faire la charité à cette classe du monde, mieux vaut réserver ces aumônes pour ceux qui le méritent. Il est évident en effet, qu'il ne faut pas donner d'argent à ceux qui, sans aucun doute, vont le dépenser pour pécher, mais il y a d'autres manières de faire la charité que de donner de l'argent, si on s'approchait du pauvre de plus près. Si on le visitait sur son fumier on saurait mieux de quoi il a besoin et c'est justement parce qu'il pêche parce que le désordre règne chez lui, sic, qu'il est plus misérable et a davantage besoin qu'on ait pitié de lui. Mais je reprends cette parole que s'approcher des malheureux qui, par leur conduite ne le méritent pas, c'est favoriser le vice car je n'ai pas achevé ma pensée. Il est des vices qui peuvent se dominer par la peur, l'homme sera mis à mort s'il tue son prochain, aussi les malfaiteurs en général évitent-ils de tuer, mais le vice dont il s'agit ici ne se réduit point par la crainte. Ce n'est pas parce que de belles vertus dégoûtées refuseront leur aumône que le vice sera châtié. L'appât des sens, l'appât du cœur ne peuvent être vaincus que par leurs semblables. À l'appât trompeur de sens il faut opposer le bienfait, à l'appât du cœur la tendre compassion. À cet homme assoiffé d'amour il faut conduire les lèvres à la source désaltérante, au sein même de Dieu. Et pour en arriver là, but suprême de la charité, il faut sevrer cet âme des faux plaisirs en lui offrant de vrais plaisirs. Et quels sont ces vrais plaisirs sinon l'aisance, le bien-être qu'apporte la charité discrète et bien entendu, cette charité est l'hameçon qui attire le pauvre pécheur, une fois pris lorsqu'on ne le lâche pas, on le donne facilement à Dieu. L'Esprit Saint l'a dit, s'il trouve pour intercesseur un ange entre mille qui lui fasse connaître son devoir, Dieu a pitié de lui, Job 23, et nous ne voudrions pas être cet ange duquel dépend le salut de ce pauvre pécheur. Cependant la condition en est facile, car le Seigneur ne dit pas, s'il se convertit en se détournant de sa voie mauvaise, mais il devance pour ainsi dire sa pitié et l'accorde avant même la conversion. Au seul attouchement de cet ange qui se propose de lui faire connaître son devoir. Et si la pitié de Dieu repose sur la tête de ce malheureux, le pardon n'est pas loin. Ma mère, que j'aurais aimé être l'apôtre des pécheurs, il me semble parce que je sens dans mon cœur que j'aurais eu beaucoup de patience pour les attendre et beaucoup de prévenance pour les attirer. J'aurais recherché particulièrement les plus tombés, laissant les âmes pures voler de leurs propres ailes, je serais allé en donner à ceux qui n'en ont pas. Imiter mon divin maître aurait été toute mon ambition, lui qui a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs et encore, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais seulement les malades, lui qui a pardonné si pleinement à la femme adultère, laquelle ne demandait rien, lui pardonnant sans un seul reproche. Non, Dieu n'agit pas comme l'homme, il ne nous fait pas honte de ce qui n'est plus. Il ne nous témoigne que de l'amour quand nous allons vers lui. » Saint Jean Chrysostome. Cette pauvre femme était allée vers lui, on l'y avait conduite de force et cependant elle s'en retourne justifiée. Quel encouragement pour nous à lui conduire les pécheurs, à les amener là à ses pieds. Mais pour les amener il faut les prendre, ô accent circonflexe mon Dieu ôtez de nos poitrines ce cœur d'homme dur comme le rocher et mettez-y le vôtre qui est toute bonté et tout amour. Et nous opérerons à l'aide de votre grâce, des miracles de sanctification. Jésus l'avait dit, les enfants de ténèbres sont bien plus avisés, dans leurs affaires, que les enfants de lumière et l'un d'eux, s'essayant à pervertir les âmes s'exprimait ainsi, l'amour réussit mieux sur le théâtre que les autres passions. Parce qu'il y a plus d'amour au monde que de vengeance et d'ambition, Voltaire. Oui, en cela il a dit vrai et si nous, catholiques, voulons bien jouer notre rôle dans ce théâtre de la vie, il faut se servir de cet appât toujours séduisant, il faut aimer notre prochain. aimer son âme pour l'amour de celui qui l'a racheté à un si haut prix. À quoi aboutit le dédain et ce pas folie d'employer cette âme sans là qui toujours fait blesser? On semble ignorer vraiment jusqu'où irait notre puissance si nous savions nous servir de l'amour. Saint Jean Chrysostome rapporte ce fait qui vient si bien à l'appui de ce que je veux dire. Un ermite avait déjà répandu au désert bien des sueurs avec un seul compagnon pour toute société. Il avait vécu la vie des anges et il touchait à sa vieillesse, lorsque je ne sais comment, prêtant l'oreille à une suggestion satanique, et donnant accès par sa négligence, à l'esprit du mal dans son cœur, il fut pris tout à coup de l'amour impur. Il commença par demander à son compagnon qui lui servit du vin et des viandes, l'assurant que, s'il le lui refusait, il s'en allait sur le champ à la ville. S'il parlait sur ce ton, ce n'était pas qu'il désirât ce qu'il demandait, mais il cherchait uniquement une occasion et un prétexte pour quitter sa solitude. Son compagnon surpris de ce langage, et craignant qu'un refus de sa part ne fût suivi de fâcheuses conséquences, se prêta pleinement à son caprice. Quand le premier vit son expédient inutile, il mit de côté toute honte, jeta son masque et déclara qu'il lui fallait absolument aller en ville. L'autre essaya de l'en détourner, mais vainement, il le laissa donc partir sauf à le suivre pour découvrir le motif de sa résolution. L'ayant vu entrer dans une maison publique, et comprenant qu'il y allait trouver quelques courtisanes, il attendit qu'il eût satisfait son inconcevable passion, et dès qu'il le vit reparaître, il le reçut à bras ouverts, le serra contre son cœur, le baisa tendrement, et sans lui reprocher aucunement son action criminelle, il le pria seulement, puisqu'il n'avait plus rien à désirer, de retourner dans sa solitude. Cette extrême bonté rendit confus son infortuné compagnon. Touché jusqu'à l'âme, il déplora sa faiblesse et suivit son ami dans les montagnes. Quand il fut arrivé, il le pria de le laisser dans une autre cellule, d'en fermer soigneusement les portes, de lui donner à certains jours un peu de pain et d'eau, et de répondre aux personnes qui s'informeraient de lui qu'il n'était plus. Son ami accéda à ses vœux, le pénitent s'enferma dans sa cellule, où par des prières, des larmes et des macérations continuelles, il travailla à purifier les souillures de son âme. Peu de temps après, la sécheresse désolant la contrée et jetant dans l'affliction tous les habitants, l'un de ceux-ci avertit en songe d'aller trouver le reclus et de le supplier qu'il voulût bien obtenir par ses prières la cessation du fléau. En conséquence, il part avec quelques-uns de ses amis. N'apercevant que le compagnon de celui qu'il venait chercher, ils lui demandèrent de ses nouvelles et apprirent qu'il n'était plus. Persuadés qu'ils étaient trompés, ils recoururent à la prière, et ils reçurent, par la même vision, le même avertissement. Alors ils entourent celui qui les avait induits en erreur et le pressent de leur faire voir son compagnon de solitude, assurant qu'il n'était pas mort et qu'il était plein de vie. En entendant ces paroles, le solitaire voyant qu'il ne pouvait pas pousser plus loin la fidélité de sa promesse, conduisit les suppliants à la cellule du plus pénitent. Ils en renversent le mur, car il n'y avait aucune issue. Ils entrent et se prosternent aux pieds du reclus. Ils lui racontent tout ce qui s'est passé et le supplient de les délivrer de la famine. Il s'y refusa tout d'abord, disant qu'il était loin d'avoir en son intercession une telle confiance, car il avait son péché devant les yeux, comme s'il n'eût fait que le commettre. Cependant, après avoir exposé tout ce qui était arrivé, on obtint de lui qu'il se mettrait en prière. À peine eut-il prié que la sécheresse cessa. Ma mère, cet exemple est l'histoire frappante de ce que peut l'amour sur un cœur humain. Pour être clair, j'aurais dû arrêter mon récit à la conversion du solitaire puisque je voulais faire ressortir cette puissance de la bonté qui va jusqu'à convertir instantanément une âme lui faisant gravir en peu de temps les sommets de la sainteté. Si j'ai suivi mon ermite jusqu'à ces sommets, c'est qu'il entre dans mon sujet de remarquer l'honneur dont le bon Dieu entoure ces âmes, jadis plongées dans la fange. Jusque-là de leur prodiguer plus de faveurs qu'à celles dont le péché n'a pas approché. En extirpant le mal, dit un saint, Dieu restitue à l'âme sa beauté primitive et rend celui qui a commis le péché l'égal de celui qui ne l'a pas commis. La faute disparaît, il n'en reste plus rien et elle est comme si elle n'avait jamais existé. Elle est complètement détruite. À Dieu toute chose est possible, car il est aisé de tirer la pureté de l'anama de souillure, Saint Jean Chrysostome. C'est si vrai qu'il se plaît à nous en donner lui-même des preuves manifestes par de touchants emblèmes. J'ai lu dans la vie des pères du désert que Sainte Thaïe, la pécheresse, étant morte dans l'exercice de son austère pénitence avant que le temps de sa réclusion ne soit achevé. Le solitaire qui l'avait convertie était fort en peine de savoir si elle avait satisfait pour ses nombreux désordres. Le Seigneur lui envoya alors un songe. Il vit un lys splendide gardé par quatre vierges d'une ravissante beauté. Le saint ermite avait compris. À ma mère, je ne puis évoquer ce souvenir, ni même y penser sans verser des larmes tant je suis touché à la vue des délicatesses du bon Dieu. Car de même que les stigmates des martyrs loin de les défigurer leur seront un éternel ornement, de même la pénitence, ce baptême laborieux, selon l'expression de Tertullien change la trace des péchés en empreinte glorieuse. Ainsi dans ce trait emprunté à la vie de Sainte Thaïe Dieu se sert pour l'exalter de l'emblème qui rappelle toutes ses fautes et, afin d'honorer cet emblème, ce sont des vierges qu'il prépose à sa garde. Oui, la pécheresse qui n'osant même pas prononcer le nom de Dieu et dont la seule prière était ce cri jeté vers le ciel, ô vous qui m'avez créé, ayez pitié de moi. Cette pécheresse qui avait laissé tomber de son front la couronne de la pureté, c'est à elle que Dieu fait une garde d'honneur et ce sont des vierges qui la composent. Ô mon Dieu, c'est vraiment trop de bonté pour votre chétive et misérable créature. Quel est donc le nom de cet étrange amour que vous lui portez? Elle vous offense, elle trahit les promesses le plus sacré et vous. Vous épiez en elle le plus petit signe de repentir car vous prenez plaisir à lui faire grâce et ce signe, si timide soit-il, aussitôt l'avez-vous découvert que vous mettez sous vos pieds toutes ces iniquités, vous jetez au fond de la mer tous ces péchés, Michée 7, 18.19. Voilà le Dieu que nous avons, et dire que parmi nous il y en a qui ne l'aiment pas, il y en a qui le blasphèment. Qu'on nous pardonne à nous autres qui le connaissons de l'aimer jusqu'à la folie, qu'on nous pardonne ce zèle de l'amour qui nous dévore. Comment quand on l'aime ne pas mourir de douleur en le voyant si peu aimé et ne pas tressaillir d'espoir en essayant de le faire aimer. Ô amour fournaise ardente, bain de feu, quand est-ce me ferez-vous trêve, et pourquoi m'avoir retiré tant de fois du feu, imitation de feu, de crainte que je me brûle, pour me consumer ensuite de vos ardeurs dévorantes, ô tison divinisé, dis-moi es-tu assez pénétré de mes flammes, fuyez loin de moi mon bien-aimé, car je n'en puis plus, ma mère, je ne sais plus d'où j'en suis, pardonnez-moi de vous avoir quitté pour m'envoler vers mon Dieu, ce sujet de sa miséricorde envers nous est très scabreux pour moi, quand j'y pense. Il arrive un moment où je ne puis plus supporter l'intensité de ma reconnaissance. Aussi quelquefois, mon amour s'exhale en plainte, en reproche sur sa bonté, je lui dis que ce n'est pas raisonnable d'accabler ainsi sa pauvre créature, la lutte est par trop inégale. Pourquoi n'avons-nous pas un Dieu seulement adorable? À bien vite nous lui donnerions les hommages qui lui sont dus comme ces tributs qu'on paie au souverain. Notre dette acquittée, nous serions tranquilles, mais avoir un Dieu si aimable, ah c'est un martyr, car la disproportion est trop grande, il vient, il veut entrer dans notre âme, il oublie qu'il est infini et veut que le fini le contienne, il livre des assauts comme s'il luttait avec un égal, il ne se rend pas compte qu'il est à charger la pauvre petite âme défaille dans les véhémences de ses transports. Que faire alors? Sinon le quitter brusquement et le conjurer de faire comme l'épouse des cantiques. Oh oui, on le conjure de fuir et, en même temps on le rappelle, on en a trop et on en veut encore, on trouve qu'on le connaît bien assez pour ses forces et on poursuit plus loin ses recherches. C'est une ivresse d'amour, une volupté et un martyre. Ma mère, Il n'y a que le bon Dieu tout seul qui puisse provoquer dans notre âme de tels excès, c'est lui qui soulève et agite les profondeurs. Que voulez-vous qu'on fasse? Demandera-t-on compte à la lave bouillante des dégâts que son immersion occasionne? Qu'on accuse plutôt l'abîme qui la recèle et la met en fusion? L'abîme, c'est Dieu, c'est sa bonté infinie, sa miséricorde et sa tendresse pour les enfants des hommes. Aussitôt qu'on descend là, on est bouleversé et on se perd soi-même pour ne plus se retrouver. Mais je fais erreur, nous n'avons pas à descendre étant tout près descendus par notre misère. C'est Dieu qui, pour nous transformer, descend où nous sommes. Oui, le bon Dieu tout grand qu'il est descend et c'est pour cela qu'il est si aimable. Il est à remarquer que les grands de la terre élèvent encore assez facilement les petits, mais jamais ils ne s'abaissent à leur petitesse. Voici un exemple qui caractérise bien ma pensée. Au commencement de cette histoire, j'ai dit qu'étant enfant, j'allais jouer avec la fille du préfet. Mais, quand elle désirait ma compagnie, elle m'envoyait chercher par sa gouvernante ou, de son balcon, me faisait signe d'aller à elle. Jamais elle ne vint chez nous. Elle nous faisait monter, Thérèse et moi, sans jamais descendre jusqu'à nous. Et le bon Dieu, lui, descend. Plus tard, au jour de notre délivrance, il nous élèvera jusqu'à lui, mais ici-bas, il s'éloigne de nous quand nous montons, ou plutôt c'est nous qui nous éloignons de lui, car il se tient dans les profondeurs. Ô bienheureuse humilité qui par avance, nous fait rencontrer notre Père Céleste qui s'abaisse vers nous, qui, par son Fils, se fait l'un de nous, non pas l'un de nous comme avant le péché, mais revêtu de l'infirmité de notre chair. Cela pour mieux nous ressembler. Ah voilà le véritable amour, descendre, s'annihiler, se rendre en tout conforme à l'objet de son amour. Et, c'est notre Dieu qui a fait cela et chaque jour il renouvelle cette descente pour chacun blessé et coupable. Ma mère, je me figure que si les élus pouvaient avoir quelque chagrin au ciel, ce serait, non pas d'avoir perdu, par leur négligence, des degrés de gloire et de bonheur, mais seulement de ne pas avoir assez aimé quelqu'un d'aussi aimable. Et je comprends que la privation de Dieu pour les damnés soit la plus grande des tortures devant laquelle pâlissent toutes leurs peines. Ils auront entrevu sa bonté au jour de leur jugement et ce sera assez pour leur ouvrir une éternité de supplice. À s'être trompé à ce point de ne pas avoir aimé un Dieu si bon. Mais je m'arrête et reprends vite ma pensée au sujet de la charité. Voilà où m'a conduit l'histoire de Saint-Yves, chemin bien imprévu que je n'avais pas l'intention de suivre. Pardonnez-moi, ma mère, de vous faire retourner sur vos pas afin d'y retrouver les pauvres pécheurs que j'ai laissés nous demandant secours et protection. Oui, leurs âmes crient vers nous et il me semble que nous n'avons pas d'excuses pour nous éloigner d'eux. L'exemple du bon Dieu est là pour nous indiquer notre devoir. Nous ne pouvons point recourir à un plus beau modèle. Jésus, le Saint de Dieu est venu nous montrer en personne comment il fallait nous conduire et il nous l'a dit, il nous a même donné la condition à laquelle on reconnaîtra ses disciples. C'est à ce signe que nous nous aimerons les uns les autres, et joignant la pratique à la théorie, il s'incline vers ses disciples et leur lavant les pieds, il dit, comme j'ai fait à votre égard, ainsi vous devez agir entre vous. Je vous ai donné l'exemple afin que, comme j'ai fait, vous fassiez aussi vous-même, Jean 13, 15, si, lui, le Maître et Seigneur n'a pas dédaigné de remplir cet office de charité auprès de Judas lui-même, quelle raison donnerons-nous pour excuser notre sévérité à l'égard des pécheurs? J'ai pensé souvent que ce qui nous empêche d'être charitables c'est que nous regardons toujours le prochain par son côté épineux. S'il dévoile ses défauts au grand jour, s'il préfère son plaisir à son honneur nous le servons à souhait et le payons par du mépris. Au moment de l'égarement de son cœur il se moquera bien de nos mépris et notre dédain lui sera un bien petit souci, il ne cherchera pas à fléchir cette barre de fer, mais les heures d'apaisement viendront. Alors il avancera timidement du côté de l'obstacle et le voyant toujours l'arrêt des fermes, il rebroussera chemin en disant, Le char a lancé, il faut qu'il roule et il s'enfoncera dans sa voie mauvaise. Notre mépris ou seulement notre réserve à l'égard des pécheurs sera donc cause de leur endurcissement dans le mal. En note, c'est par la prière et en leur témoignant de l'intérêt qu'on arrive à leur faire du bien, écrit nos religieuses chargées de repentir, dans un refuge, fin de la note. Et pourquoi sinon? Parce que nous n'avons pas été justes. Nous n'avons voulu les juger que par un côté, sans songer que s'il en était un, ou deux, ou trois de désavantageux, il en était au moins le même nombre d'extrêmement beaux. Est-ce parce qu'un diamant précieux sera souillé et dépoli d'un côté que le joaillier le jettera aux ordures? Ah, il est plus prudent que cela, il tourne et retourne la pierre, son côté souillé lui importe peu. Qu'est-ce que cette boue à ses yeux? Est-ce que dans ses mains cet objet sans prix ne va pas retrouver son éclat? Il faut convenir qu'avec nos principes d'intransigeance, nous ne sommes guère artistes, nous devrions pourtant tenir de celui qui nous a fait. Nous devrions savoir que le démon est comme les frelons et les guêpes qui s'attaquent aux plus beaux fruits et qu'il tente les plus belles âmes. Les plus grandes tempêtes sont toujours pour les plus grands saints, comme si le ciel n'avait d'autre entrée que la brèche, comme si les vertus ne pouvaient croître que dans un sol bien battu, Persurin, de la compagnie de Jésus. Et comme un saint, dit le marquis de Ségur, est un appelé de Dieu, mais est un appelé qui répond à l'appel, qui est un soldat d'élite qui a reçu, il est vrai, des armes excellentes, mais qu'il s'en sert excellemment et que s'il est couronné dans le ciel, ce n'est que par une forte correspondance à la grâce, que parce qu'il a combattu et triomphé sur la terre, il ne faut pas s'étonner que plusieurs, que beaucoup n'aient pas cette vaillance et succombe au cours de cette guerre. Je trouve qu'il faudrait plutôt s'étonner qu'il y en ait relativement si peu qui tombent, car dans cette misérable vie qui est un sauve-qui, peu général, il semble qu'il serait plus naturel qu'il y eût encore plus de scandales qu'il n'y en a. Cette préservation est due sans doute à l'armée des bons anges et des élus qui combat les esprits de ténèbres et nous protège et nous défendent, sans aucun mérite de notre part. Sachant cela, sachant que la valeur de la proie est ce qui tente l'éternel ennemi des hommes, lequel avec une perfidie et un art indicible, sait faire jouer nos passions et nous blesser avec nos propres armes. Il me semble que l'on devrait être rempli de tendre condescendance pour les âmes qui dévient du droit chemin, particulièrement pour les âmes consacrées à Dieu, lesquelles par leur haute position spirituelle sont particulièrement visées par la jalousie de l'ange déchu. Quelquefois je pense par exemple, que les directeurs de séminaires en prémunissant leurs élèves contre les dangers certains et tous spéciaux qui les attendent dans l'exercice de leur ministère, devraient se poser comme un père au cœur compatissant, sans cesse et toujours prêt à accueillir avec tendresse les pauvres imprudents, car il y en aura, prêt à les réconcilier avec le bon Dieu, mais aussi à faire l'impossible pour les sortir des difficultés où ils se seront engagés par leur faute. Le père de l'enfant prodigue n'est-il pas là comme un modèle parfait de cette conduite pleine d'amour? Qu'on ne dise pas vous faites la part trop belle aux pécheurs, ce serait la réflexion du fils aîné jaloux des honneurs rendus à son frère. Ce n'est pas le vice qu'on exalte, mais la pleine réhabilitation qu'on rend facile. L'homme étant le chef d'œuvre de l'infinie beauté, il est tout naturel que ses aspirations s'inclinent de ce côté comme la plante qui d'elle-même se tourne vers le soleil. Il faut donc absolument l'attirer par l'appât d'une beauté quelconque. Lui dire, vous êtes tombé, vous êtes souillé, mais venez et votre première robe vous sera rendue et, non content de reprendre votre place au foyer, il y aura en l'honneur de votre retour des fêtes et des réjouissances. Il y aura plus de joie à cause de vous dans la famille que pour tous les autres enfants qui ont été constamment dociles. Voilà la beauté que le bon Dieu fait resplendir devant les yeux du pauvre égaré. Mais le démon a vu cela et comme il est le singe de Dieu, il veut lui aussi attirer les âmes en faisant miroiter la beauté à leurs yeux. Comment va-t-il s'y prendre? Il n'a en main que les mauvaises quartes, c'est le Seigneur qui a tout le jeu. Comment il va s'y prendre? Il va aveugler les âmes jusqu'à leur persuader que le noir et blanc est la boue toute propreté, Il n'a pas d'autre moyen de se tirer d'affaire. Ce n'est pas loyal, car c'est tromper le monde sur la réelle valeur des choses, mais qu'est-ce que ça lui fait? Il n'est pas à cela près. Alors l'un de ses coryphées, Voltaire, trace cette ligne de conduite véritable et qu'au de l'abîme, il est un art d'embellir les vices et de leur donner un air de noblesse. Voilà donc le masque levé. Il n'y a pas à s'y méprendre, c'est le vice caché sous les dehors gracieux de l'amabilité, sous les charmes irrésistibles d'un grand cœur, ou les mâles apparences d'un noble caractère, que Satan présentera au pauvre cœur humain avide de beauté et de grandeur. Aussi strict Augustin a-t-il pu dire, par la lecture de mauvais livres on apprend à voir le mal sans erreur, à en parler sans pudeur, à le commettre sans retenue, et comment n'en sera-t-il pas ainsi? La mouche artificielle présentée par le démon est si brillante et si dorée qu'elle séduit le malheureux poisson affamé de pâture et le rend captif de ses ennemis. Pour s'opposer à un si grand mal, nous ne risquons donc rien de faire belle et très belle la part du pécheur réconcilié, et c'est notre devoir de le poursuivre dans ses égarements en variant à l'envi les feux étincelants de ce fanal sauveur. Mais comment faire pour en arriver là? Une sorte de pudeur plane sur ces sujets délicats, on fait silence tout autour. Ah, nous faisons silence, nous sauveurs d'âme, et les perdeurs d'âme agissent pendant notre assoupissement. Et quoi, ne sommes-nous pas tout pétris de la même boue? S'il fallait converser de cela avec les anges, je comprendrais notre retenue, mais entre nous cela devrait aller tout seul, je dis devrait, car hélas, les extrêmes se touchent et contrastent étranges, ceux qui voient le mal sans erreur, qui en parlent sans pudeur et le commettent sans retenue, ce sont ceux-là qui sont les plus stricts et s'entourent de plus de décorum. On l'a remarqué, ce sont les peuples les plus dissolus dans leurs mœurs qui, au dehors, sont les plus prudes, comme ce sont les scrupuleux qui se laissent aller le plus facilement au péché. Oui, ce sont ces hommes à l'extérieur corrects et irréprochables qui se signent en entendant le naïf langage de l'aimable saint François de Sales, ce sont ceux-là qui deviennent les plus larges à se permettre toutes sortes de jouissances. Et ce qu'une époque plus simple voyait d'un bon œil, notre siècle amollit par un bien-être plus raffiné s'en offusque. Demi-page supprimée. Mais il est temps que je quitte ce sujet déjà beaucoup trop étendu. Pardonnez-moi, ma mère, ces longues dissertations qui devront si peu vous intéresser, et permettez que je résume ces pensées éparses, car je n'ai pas encore achevé tout ce que je voulais dire. S'il est une faute de culpa qu'avec mon impétuosité naturelle je commets quelquefois, donner mon avis sans qu'on me le demande, je ne suis pas répréhensible en disant ici ma manière de voir. Non, je ne fais pas une faute, mais un acte de vertu, puisque vous m'en avez fait œuvre d'obéissance. C'est cette pensée qui m'engage à continuer, pensant que j'accomplis en cela la volonté du bon Dieu manifestée par vous, ma mère. À propos de la charité envers l'âme du prochain, il me semble que nulle considération humaine ne devrait nous retenir. Il faudrait imiter les chasseurs qui ne se contentent pas de partir armés mais vont à l'endroit où ils savent qu'il y a le plus de gibier et de degrés, le poursuit jusque dans ses derniers retranchements et le force à sortir de son gîte. Que dirait-on du chasseur qui entreprendrait une longue course pour se rendre à un lieu où il a prévu qu'il ne ferait rien, ou bien qui, s'asseyant au bord d'un chemin, attendrait patiemment que les lièvres passent à portée de son fusil? On se moquerait d'un tel chasseur. Eh bien, il ne faut pas que les anges qui nous regardent combattre dans l'arène se moquent de nous, chasseurs d'âmes, et pour cela il nous faut choisir de préférence les quartiers où se réfugient les pauvres pécheurs. Mais ce n'est pas tout, il faut lever le gibier en conséquence, aller par soi-même ou par des moyens détournés ingénieux faire sortir de leur réduit les âmes blessées, il faut lancer nos chiens, c'est à dire employer toutes nos ressources à cette œuvre éminemment intéressante et fructueuse. Mais une fois le gibier découvert, que faut-il faire? Ah, quand même, il gîtrait dans le fond d'un ravin, on doit aller l'y trouver. La précaution avec laquelle on exécute cette descente et les degrés parcourus sont l'image des dons matériels qui ouvrent la porte d'un cœur et donnent accès dans une âme. Par ce moyen naturel on arrivera sûrement petit à petit à gagner cette âme, mais il faut l'employer, c'est urgent pour réussir. Si nous attendons que les âmes viennent d'elles-mêmes se présenter à nous, nous ne ferons pas beaucoup de conquêtes. Ce serait, d'ailleurs, de la besogne toute faite et c'est rare dans la vie où il faut peiner, travailler, suer sang et eau pour arriver à un résultat tant soit peu satisfaisant. Il faut donc convertir les âmes et ne pas attendre qu'elles viennent à nous toutes converties, il faut descendre jusqu'à elles et ne pas penser y arriver d'un bond, mais se servir humblement de degré, humblement et patiemment, car la patience est bien nécessaire dans ce genre d'apostolat. Non, il ne faut pas être avare de moyens. Les explorateurs que Josué envoya pour reconnaître le pays, revinrent lui dire que les habitants étant peu nombreux, 3000 hommes suffiraient pour les réduire. Ils partirent et furent battus. Alors Jéhovah dit à Josué, « Prends avec toi tous les hommes de guerre » et la victoire fut entre leurs mains. Josué 7,3-8,1, ce qui prouve que, lorsqu'on veut conquérir une âme, il faut mettre sur pied toute son armée, je veux dire toutes ses ressources. Et, le chef de cette armée, c'est l'amour. Gare à nous, si nous nous mettons en campagne sans lui, nous risquons fort de perdre et notre temps et notre peine. Hélas oui, nous les perdrions, nous qui voulons sauver les âmes, car les âmes ne se sauvent que par l'amour, amour de Dieu, amour des âmes. Quant à ceux qui s'étudient à les corrompre, il est heureux qu'ils bannissent cette arme de leur arsenal car avec les moyens dont ils disposent le mal serait à son comble, sic, ma mère. Je m'arrête, un peu honteuse de tout ce que j'ai écrit. Il me semble qu'en lisant ces pages vous penserez en vous-même, ce n'est tout de même pas à une carmélite de traiter tous ces sujets-là. Il est vrai, ma mère, que Sainte Thérèse ne s'en occupe pas, elle ne touche pas à la terre, elle nous enlève dans les hauteurs de cieux. En nous décrivant les degrés d'oraison et d'union à Dieu, moi, hélas je ne suis pas Sainte Thérèse mais un pauvre tison arraché du feu, alors il me semble que ma place dans la famille est tout près du foyer, je veux me tenir là afin de rendre à d'autres le bienfait dont j'ai été gratifié moi-même. Oui, je veux, à mon tour, retirer du feu les malheureux tisons qui s'y consument, pour les jeter dans la fournaise ardente de l'amour miséricordieux. Comment arriverai-je à mon but ? Moi impuissante et misérable créature, je le sais bien, ce sera en me tenant humblement dans le lieu le plus vulgaire de la maison, là tout près de l'âtre, mes vêtements se seront couverts de cendres, mais qu'importe. Oui, ce sera en m'appliquant à l'humilité et aux petites vertus bien cachées que j'atteindrai mon but. Hier soir je lisais à l'oraison un passage de la Sainte Écriture qui m'a été bien lumineux. Afin de prendre une ville, Josué avait placé 30 000 guerriers en embuscade à l'arrière de la cité, avec ordre de fondre sur elle et de s'en emparer aussitôt que les habitants seraient sortis, car Josué qui les attaquait du côté opposé, avec tout le peuple d'Israël devait, en feignant de s'enfuir, attirer l'ennemi dans le désert pour donner le temps à l'autre partie de l'armée de piller leur ville. Mais comment ces guerriers connaîtraient-ils le moment propice pour cela? Ils étaient trop éloignés de leur chef pour le recevoir son commandement. Jéhovah dit alors à Josué, « Étends vers la ville le javelot que tu as à la main, car je vais les livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Dès qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade se levèrent en hâte du lieu où ils étaient, et prenant leur course ils entrèrent dans la ville, l'occupèrent et mirent le feu, Josué, 8:18-19. Ce fut donc ce signe fait au loin qui dirigea toute la manœuvre et assura la victoire. De même, dans nos cloîtres nous paraissons ne rien faire pour la cause de Dieu et cependant c'est à nous que le Seigneur dit, étant de tel côté le javelot que tu tiens à la main et nous étendons la main et l'armée du bien est victorieuse. Mais, pour cela, il ne faut pas se lasser de tenir la main étendue car il est dit que, Josué ne retira pas sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce qu'il eût traité comme anathème tous ses ennemis. 8:26. La main, c'est notre volonté d'accomplir celle du Seigneur. Le javelot, ce sont nos petits sacrifices faits par amour. Puisqu'il en est ainsi, j'espère arriver au but de mes désirs. Moi aussi, je veux entrer dans les cœurs afin de les faire occuper par Jésus. Je veux, en les retirant d'un brasier corruptible, y mettre le feu de l'amour divin. Et j'y arriverai par mes petits renoncements de chaque jour, dirigés vers les tisons à demi consumés. Un jour, je fus témoin d'une scène qui me donna encore une lumineuse instruction. Dans ce même sens, à la récréation du soir, notre mère m'ayant envoyé faire une commission, je passais sous le cloître lorsque j'entendis des cris perçants d'oiseaux. C'était comme une bataille et je me demandais ce que j'allais trouver au détour du chemin. Là, je fus en présence d'un oiseau de proie qui tenait dans ses serres un petit oiseau, tandis que un autre gisait à terre. Je voulus délivrer le pauvre petit animal, mais l'épervier se mit à voltiger autour de ma tête, semblant me menacer de son bec. Je n'eus pas peur et, déployant notre mouchoir, je l'agitai si violemment qu'il renonça à sa première capture et s'enfuit dans le préau, emportant toujours l'oiseau vivant dans ses griffes. Mais sa première victime le tentait, il ne voulait point la perdre et revint vers moi, tournant toujours autour de ma tête, puis s'enfuit encore, puis revint. J'avais vraiment pitié de voir le pauvre petit oiseau qui lui pendait aux pattes et je fis tant et si bien, qu'à force de poursuivre son bourreau avec mon mouchoir, celui-ci s'enfuit laissant échapper sa proie, qui s'envola tire d'elle sans avoir perdu une seule plume. Je me fis alors cette réflexion, si de simples coups de mouchoirs inoffensifs ont fait faire fuir le vautour, sans aucun fruit de sa victoire, mes pauvres petites actions peuvent donc aussi, dans l'ordre de la grâce, arracher aux démons ses victimes. L'oiseau mort me représentait les âmes que le péché a tuées mais qui, étant encore sur la terre, ont toujours l'espoir de revivre. L'oiseau vivant me rappelait les âmes tentées, devenues la proie de Satan, sans être cependant atteinte par le péché mortel. Pardonnez-moi, ma mère, cette longue dissertation sur le zèle des âmes, couvert du manteau de la charité. Je le quitte pour reprendre l'histoire de ma vie. Hélas, ce récit sera encore interrompu par les multiples réflexions qui se trouvent naturellement sous ma plume et dont je m'excuse d'avance sans pouvoir m'en corriger. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.